savants britanniques qui travaillaient au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. C'est pour cela enfin que je suis venu vous dire le dimanche prochain, il faut sans hésitation répondre oui au référendum, car ce mot, ce simple mot, porte en lui l'avenir et le destin de la patrie. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je ne vous l'apprendrai certainement pas. L'air ambiant est au référendum. Référendum national à dimension historique sur le Brexit au Royaume-Uni, au Royaume encore uni. Référendum départemental à dimension écologique et économique à propos du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Cette conjoncture, nourrie d'une étrange coïncidence, donne furieusement le goût d'aller y voir de plus près du côté de la genèse et des métamorphoses de cet instrument politique spécifique, la consultation directe du peuple dans ses comices, par-delà les intermédiaires, comme aimait à le dire le général de Gaulle. Nous ne nous attarderons pas trop sur l'Antiquité et sur le Moyen-Âge qui ont vu surgir et se formuler la pratique du plébiscite, un synonyme qui pourtant est chargé d'assez fortes différences, enfin peut-être. En compagnie de Serge Bersten, spécialiste éminent de notre histoire politique, professeur émérite à Sciences Po, nous allons considérer ce matin les tribulations d'une pratique qui a connu en France, depuis le temps de la Grande Révolution, des formes concrètes et une portée symbolique fort variée. Et cela, selon des usages qui n'ont pas cessé d'être entourés de multiples controverses quant à la légitimité démocratique du processus et ses conséquences civiques. Le référendum, qui a connu chez nous de longues éclipses et de remarquables résurgences républicaines ou bonapartistes, pose en effet une question majeure. C'est celle de la délégation de pouvoir systématique sur les choix importants ou fondamentaux à des instances représentatives, délégation exclusive ou au contraire bousculée par des moments de parole offerts sans détour à la souveraineté du peuple au fil des émotions et des aspirations instantanées de l'opinion publique. Tu es trop indécis, ça me cause beaucoup de soucis. Avec toi l'on ne sait sur quel pied danser. Je n'aime pas l'indécision, je veux une précision. M'aimes-tu bien sincèrement? Allons, réponds, réponds franchement. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi oui ou non. Mais je t'en prie, ne me laisse pas dans cet embarras. Est-ce oui, est-ce non? Si c'est oui, c'est bon. Si c'est non, je m'évanouis. Alors dis-moi oui. Ah oui, je suis gentil. Oui. Ah non, je ne serai pas mignon. Non. Oui, oui, oui. Ah oui. Ah non. Non, non. Non. Non. Oh non. Non, non, non, non, non, non, non. Oh, dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi oui ou non. Mais je t'en prie, ne me laisse pas dans cet embarras. Est-ce oui, est-ce non? Si c'est non, c'est bon. Si c'est oui, je m'évanouis. Ne me dis pas oui. Ah oui, ça serait si gentil. Ah non, ça serait pas mignon, non. Serge Bernstein, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé, d'une manière un peu malicieuse, mais ce n'est pas malvenu, avant une conversation qui sera assurément très sérieuse, je vous ai proposé la chanson « Dis-moi oui, dis-moi non » de Ludo Langlois et Henri Lemarchand, interprétée en 1948 par la chanteuse Toama. C'est l'air de Jingle Bells, vous savez, l'air fameux américain de 1857. « Dis-moi oui, dis-moi non ». Cette opposition binaire va marquer toute l'histoire du référendum, et c'est précisément parce qu'elle est simplement binaire qu'elle pose tant de questions. Certes, le problème en effet est que les questions qui sont posées apparaissent souvent complexes. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une constitution dont il faudrait, à dire vrai, décortiquer les différents articles pour voir quelle est exactement sa portée. C'est vrai jusqu'en 2005 avec le débat sur la constitution européenne, comme on a dit, le traité européen. Tout à fait, cette constitution européenne qui était extrêmement complexe, qui a été distribuée incontestablement à tous les votants, mais dont fort peu l'ont lu et dont on n'est pas sûr que ceux qui l'ont lu aient vraiment vu quelles seraient les conséquences. Le problème du plébiscite ou du référendum, c'est que devant la complexité des questions posées, la réponse est généralement différente et liée à la confiance ou à la méfiance qu'inspire à celui qui vote le gouvernement, le pouvoir qui a posé la question. Et en même temps, cela introduit directement une question de temporalité démocratique, parce qu'il y a d'un côté l'immédiateté d'une réponse à une question précise ou éventuellement moins précise, et d'autre part l'idée de délégation. C'est une autre école démocratique traditionnelle, de délégation à des élus qui par conséquent s'expriment à quelque distance temporelle du moment où on les a choisis. Le problème, c'est que l'histoire française, au fond, n'a cessé de balancer depuis la Révolution entre un système représentatif qui donne aux élus du peuple la totalité de la souveraineté dont celui-ci est la source. D'une élection à l'autre. Et des tentatives, mais souvent au fond détournées de leur inspiration démocratique, qui consistaient à faire approuver par le peuple des coups d'État, par exemple, qui ont conduit au césarisme en France. Alors, délégation ou démocratie directe, le problème est posé depuis plus de deux siècles. Et même davantage, si on s'arrête un instant à l'Antiquité, d'où a surgi la formule plébiscite. Le plébiscite, c'était la loi, la décision votée par l'assemblée de la plèbe à la demande des tribuns de la plèbe, c'est-à-dire qui donnait à une plèbe qui avait longtemps été privée dans la République romaine du pouvoir politique au profit d'une oligarchie sénatoriale, la possibilité de décider elle aussi. Et par conséquent, la mesure est incontestablement d'essence démocratique à ses origines, donner au petit peuple la possibilité de se prononcer. Même si les métèques, les affranchis et naturellement les esclaves étaient exclus de cette... Étaient naturellement exclus du droit de vote, seuls les citoyens pouvant voter. Mais c'est incontestablement démocratique à l'origine. Simplement, ça fonctionne dans des communautés politiques relativement restreintes. Absolument. Si on en vient au Moyen-Âge... En quelques mots, on retrouve un certain nombre de phénomènes du même genre. On parle toujours de la Suisse, en particulier le lac des quatre cantons, avec des rencontres, les fameux Landgemeinden, où on se retrouvait ensemble pour décider. Et puis les Germains, quand ils approuvaient, ils tapaient sur leurs boucliers. Et puis, quand ils n'approuvaient pas, ils poussaient des grognements. Ça sont des formes différentes, au fond, de démocratie directe qui ne passe pas par le caractère numérique précis de l'élection. Mais il est vrai que cette démocratie directe s'applique à des problèmes qui apparaissent comme des problèmes locaux, comme des problèmes, au fond, de portée limitée. Et c'est possible à organiser dans une communauté qui n'est pas numériquement trop importante et où on peut consulter chacun. D'où l'intérêt d'ailleurs aujourd'hui encore des fameux référendums municipaux qui ont vu le jour, se sont développés sous la Troisième République, non sans que d'ailleurs dès ce moment-là des républicains soient souvent critiques. Ils sont très critiques parce que il faut bien voir que ce qui justifie la délégation à un parlement à des députés élus dès, au fond, l'époque de la Révolution française, dès la Constitution de l'an 3 en 1795, c'est l'idée que on ne peut pas confier les décisions fondamentales à des gens qui n'ont pas l'instruction nécessaire pour en percevoir tous les enjeux. Et par conséquent, c'est une mesure qui conduit directement au suffrage censitaire, qui donne aux plus riches, qui sont aussi les plus cultivés, qui s'estiment par conséquent les mieux placés pour diriger la nation, le pouvoir politique, et qui en exclut les pauvres qui en général n'ont pas eu l'éducation que les élites ont reçue dans leur famille. Pourtant, c'est au temps de la Convention que la France connaît pour la première fois un suffrage en principe universel, sans les femmes. Absolument, naturellement. Pour les élections, la Convention. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la seconde, celle de juin 1793, est à cet égard explicite, non sans maintenir quelques ambiguïtés, puisqu'on peut y lire « Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, ses droits sacrés et inaliénables. Afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer ou avilir par la tyrannie. Afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, et les articles 25 et 26 stipulent, la souveraineté réside dans le peuple, elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier, mais chaque section du souverain assemblé doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. C'est cette fin de l'article 26 qui est certainement ambivalente. C'est-à-dire que c'est une constitution qui est extrêmement démocratique, puisque on parle de démocratie directe. Simplement, c'est le fait d'une minorité à l'époque des élites politiques qui jugent qu'on peut s'appuyer effectivement sur la volonté de l'ensemble des citoyens, ce qui semble juste. Il faut rappeler que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la première, estime que la souveraineté nationale réside dans le peuple tout entier. Simplement, lorsqu'il s'agira de mettre cela en pratique, on distinguera des citoyens actifs qui peuvent effectivement voter et participer de ce fait à la décision politique, et des citoyens passifs qui ont l'honneur de porter le titre de citoyen, mais aucun droit pour exercer ce que suppose ce titre. Dès Jean-Jacques Rousseau, dans le Contrat social, on voit remise en cause l'idée de la possibilité de l'expression du peuple rassemblé. Il disait « On ne peut imaginer que le peuple reste incessamment assemblé pour vaquer aux affaires publiques. Il faudrait un État très petit, une notion très, très contemporaine, où le peuple soit facile à rassembler et où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres. Deuxièmement, une grande simplicité de mœurs qui prévienne la multitude des affaires et les discussions épineuses. Enfin, beaucoup d'égalité dans les rangs et dans les fortunes. On y vient, ce que vous disiez il y a un instant, Serge Bernstein. Sans quoi l'égalité ne saurait subsister longtemps dans les droits et l'autorité. Il conclut, s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Le mot de référendum apparaît quand ? Alors le mot de référendum, me semble-t-il, n'est appliqué véritablement que on en parle sous la Troisième République, mais on en parle sans l'appliquer, et véritablement à partir de 1945, lorsque le général de Gaulle va demander que le référendum précède et conclue les travaux de l'Assemblée constituante. Déjà, le général Boulanger parle de référendum, mais ad referendum. Oui, c'est ça. Le terme reste celui, au fond, de plébiscite, mais qui a pris, sous le Second Empire, une tonalité tellement péjorative que aucun gouvernement en place n'ose parler de plébiscite. Sous la Révolution, on parle encore de plébiscite, mais on le réserve à l'ordre international. Par exemple, lorsque Avignon et le comtat vénitien, qui appartenaient au pape, au Saint-Siège, rejoignent la France en 1790, on vérifie par un plébiscite que leurs habitants sont disposés à cette agrégation à la patrie française. Ce sera le cas aussi d'ailleurs pour Nice et la Savoie, puis pour les conquêtes successives de la Révolution, mais les plébiscites auront lieu avec la protection, si l'on peut dire, de l'armée française, ce qui en limite la portée et l'intérêt. En octobre 90, Merlin de Douai, le député à l'Assemblée constituante, dit « Ce n'est point par les traités des princes que se règlent les droits des nations ». Référendum pour concerner le destin des collectivités. Là, c'est la démocratie directe. Et, disons qu'à ce moment-là, on peut considérer qu'elle s'applique avec une certaine validité, puisque savoir si on veut rester sujet du pape ou citoyen de la France qui est en train de s'affranchir des règles de l'Ancien Régime, c'est une idée relativement simple et facile à appliquer, qui peut expliquer une réponse par oui ou par non. Ce qui est rarement le cas, il faut bien le dire, des plébiscites ou des référendums en dehors de ce cas précis. Alors le moment où la consultation directe du peuple devient insupportable aux républicains et dégradée, ce sont les plébiscites de l'an 8 et de l'an 12 qui ont suivi le coup d'État de Brumaire et qui marquent l'installation de l'Empire napoléonien. Un petit extrait que je vous propose, la mini-série Napoléon, qui a été réalisée par Yves Simoneau, diffusée sur France 2 en 2002, avec dans le rôle de Bonaparte, qui va devenir Napoléon, Christian Clavier. Il a joué Astérix, il joue aussi Bonaparte. Écoutons-le, c'est assez ramassé et un peu caricatural, mais cela parle juste, je crois. Les résultats du plébiscite, un triomphe. Personne ne pourra contester que les Français t'ont voulu comme empereur et qu'ils souhaitent que... Qu'est-ce que tu fais? Ça me semble évident, je corrige ce qui ne va pas. Mais c'est illégal et surtout inutile. Tu obtiens près de 3 millions de oui contre à peine 2500 non. Que veux-tu de mieux? Il n'y a pas que le résultat qui compte, Lucien. La façon dont les votes sont répartis est au moins aussi importante. Or, la participation des armées est très décevante. 130 000 votes seulement, c'est insuffisant. 450 000. Tiens, apporte ça au Sénat et dis-leur bien que ce sont mes chiffres qui devront être proclamés officiellement. C'est historique, cette... Alors, je ne sais pas si c'est historique, mais tricherie. Enfin, il est de fait que en l'an 8, en 1800, le coup d'État du 18 Brumaire a été accepté par plébiscite à la demande du premier consul. Qu'en 1802, en l'an 10, le consulat à vie pour Napoléon Bonaparte a été accepté de la même manière par plébiscite, et qu'en 1804, je pense qu'il s'agit de ce plébiscite-là, l'Empire est proclamé et approuvé par le peuple français par plébiscite. Je pense que on n'est pas très sûr de la représentativité des chiffres qui sont donnés, et on a bien vu que le premier consul qui devient empereur n'hésite pas éventuellement à corriger des chiffres qu'il juge erronés. Donc il y a certainement eu des manipulations des résultats, mais globalement, il est vrai que les Français, là, du désordre qui s'est instauré à l'époque du Directoire, ont approuvé un gouvernement fort qui rétablissait la sécurité, qui écartait le risque des partageux et qui, de plus, amenait à la France la gloire militaire auquel la population était largement sensible. Les grandes différences avec les référendums de la Ve République, c'est qu'il n'y a pas à l'époque de risque de non. Non. Qui existe, et que d'autre part, évidemment, le peuple est beaucoup moins formé, beaucoup moins scolarisé. Et on observe que du côté des républicains, par exemple américains, on se méfie de ce fait beaucoup de l'appel direct au peuple. Je vous propose un texte que je trouve topique de Hamilton, un des pères de la Révolution américaine. Il a été traduit et proposé par Tocqueville de la démocratie en Amérique. C'est Sylvie Goulard, députée européenne, qui l'a récemment exhumé. Écoutez ça. Que les opinions du peuple, quand elles sont raisonnables et mûries, dirigent la conduite de ceux auxquels il confie ses affaires, c'est ce qui résulte de l'établissement d'une constitution républicaine. Mais les principes républicains n'exigent point qu'on se laisse emporter au moindre vent des passions populaires, ni qu'on se hâte d'obéir à toutes les impulsions momentanées que la multitude peut recevoir par la main artificieuse des hommes qui flattent ses préjugés pour trahir ses intérêts. Le peuple ne veut, le plus ordinairement, qu'arriver au bien public, cela est vrai, mais il se trompe souvent en le cherchant. Lorsque les vrais intérêts du peuple sont contraires à ses désirs, le devoir de tous ceux qu'il a préposés à la garde de ses intérêts est de combattre l'erreur dont il est momentanément la victime, afin de lui donner le temps de se reconnaître et d'envisager les choses de sang-froid. On trouve là directement la question de la temporalité des consultations et du fonctionnement de la démocratie. Et Hamilton continue, et il est arrivé plus d'une fois qu'un peuple, sauvé ainsi des fatales conséquences de ses propres erreurs, s'est plu à élever des monuments de reconnaissance aux hommes qui avaient eu le magnanime courage de s'exposer à lui déplaire pour le servir. Fin de citation. Très beau texte, très profond, très réel, n'est-ce pas? Et qui joue d'ailleurs pour l'ensemble des plébiscites que la France et d'autres pays ont largement connus. Sauf lorsque, effectivement, la question peut apparaître simple, comme c'est le cas, par exemple, des plébiscites qui résultent de l'annexion de Nice et de la Savoie à l'époque du Second Empire, etc. Et le second Napoléon III, utilisera lui aussi largement cette procédure, mais toujours en considérant qu'il peut jouer le peuple contre des élites qui commencent à faire de l'opposition, ce qui n'est pas le cas du Premier Empire. Et il y a par exemple un dessin de Daumier qui résume parfaitement la situation. Il s'agit d'un paysan qui s'adresse au maire de son village et qui lui demande « Monsieur le maire, qu'est-ce que c'est qu'un bibicite ?» Et le maire de répondre « C'est un mot latin qui veut dire « oui ». Et je pense que cette caricature en elle-même dit de façon extrêmement claire, au fond, l'ambiguïté de ce qu'est un plébiscite. Donc on ne s'étonne pas de voir Napoléon III, enfin Louis-Napoléon Bonaparte, devenu ensuite Napoléon III après son coup d'État du 2 décembre 1851, recourir comme son oncle au plébiscite, deux fois d'ailleurs, pour prolonger sa présidence de la République d'abord et ensuite pour devenir empereur. Et en 1870, pour faire approuver par le peuple, et là c'est plus facile, des réformes libérales introduites depuis 1860 et qui ont supprimé les caractères les plus rigoureux de la dictature impériale, comme le contrôle de la presse, comme la candidature officielle, et par conséquent qui ont libéralisé le régime. Là, il demande aux Français, est-ce que vous êtes d'accord avec cette libéralisation du régime? Et il a 7 millions de oui contre, je crois, 300 000 non. Mais il faut dire que ce sont aussi les chiffres des deux premiers plébiscites, celui de 1852 qui approuve le coup d'État et celui de 1853 qui approuve le rétablissement de l'Empire pour Napoléon III. On voit d'ailleurs à cette occasion, à propos du référendum de mai 1870, on voit l'importance de la formulation de la question et éventuellement de son ambivalence, puisque, en l'occurrence, comme vous le dites, on demande au peuple « Approuvez-vous l'introduction de mesures plus libérales ?» Ce qui est aussi une manière de renforcer Napoléon III. Je rappelle qu'on est à quelques semaines de Sedan et de la chute de l'Empire. C'est Émile Ollivier qui vient de former un gouvernement le 2 janvier 1870, qui était jusque-là dans l'opposition libérale. C'est Émile Ollivier qui se charge, comme il l'a dit à l'époque, de faire pour l'empereur une vieillesse heureuse. Et les chansonniers, bien sûr, dès ce moment-là, s'en donnent à cœur joie. Écoutez ce dialogue imaginaire entre Émile Ollivier, dialogue chanté entre Émile Ollivier et l'empereur. C'est une chanson de Paul Avenel pour les paroles et de Gustave Nadeau pour l'air. Une chanson de 1870 interprétée dans les années 1970 par Simone Bartel. De grands hommes aux Tuileries causaient entre eux un certain soir, causaient entre eux un certain soir. L'un portait mille broderies et l'autre le simple habit noir. Le premier dit d'un ton fébrile, je suis un vrai Napoléon. Majesté, répondit Émile, Majesté, vous avez raison. Majesté, répondit Émile, Majesté, vous avez raison. La cuisine du plébiscite Reprit le maître a du succès, reprit le maître a du succès. Faisons donc bouillir la marmite avec les bons oui des Français. Il aime ce peuple imbécile, tous les ragoûts de ma façon. Majesté, répondit Déville, Majesté, vous avez raison. Majesté, répondit Déville, Majesté, vous avez raison. Malgré moi, je perds mon prestige. Tout s'amoindrit autour de nous, tout s'amoindrit autour de nous. Mon arbre fléchit sur sa tige. Cher Olivier, le voyez-vous? Mes courtisans ont l'âme vile, je n'attends que trahison. Majesté, répondit Déville, Majesté, vous avez raison. Majesté, répondit Émile, Majesté, vous avez raison. Les effluves républicaines font à la France un sang nouveau, font à la France un sang nouveau. Et le mien vieillit dans mes veines, ne monte plus à mon cerveau. Mais malgré mon état sénile, je reste au Louvre en garnison. Majesté, répondit Déville, Majesté, vous avez raison. Majesté, répondit Déville, Majesté, vous avez raison. Et voilà, mon sang vieillit dans mes veines, ne monte plus à mon cerveau, mais malgré mon état sénile, je reste au Louvre en garnison. J'observe que, après le référendum d'octobre 1962, qui a introduit l'élection du président de la République au suffrage universel, comme on le sait, Pierre Mendès-France, qui avait été très, très hostile à cette mutation, à cette décision, écrit dans une lettre privée à une amie, Cécile Audry, lui écrit « Nous sommes chagrins ces jours-ci, mais... » Rappelez-vous que le référendum de mai 1870 a eu le succès que nous savons. Quelques semaines plus tard, c'était Sedan. Et il est vrai que le Second Empire apparaît comme extraordinairement consolidé par ce référendum et que c'est la défaite extérieure qui abat le Second Empire. Autrement dit, incontestablement, Napoléon III a réussi par toute une série de plébiscites à renforcer à l'intérieur son pouvoir, et c'est un accident extérieur. On sait que quelqu'un, par exemple, comme Gambetta, adversaire de l'Empire, est apparu comme découragé après ce plébiscite de 1870 en disant « l'Empire est consolidé ». Mais on comprend du même coup que le principe du plébiscite et été de ce fait condamné résolument et pour très longtemps par les républicains. Cela devient une donnée majeure de notre vie publique après 1871 et après la constitution de 1875, que l'hostilité farouche, doctrinale, puissante de tous les républicains envers ce principe. Tout à fait. Alors c'est vrai que à partir de l'arrivée au pouvoir des républicains, c'est-à-dire en gros dans les années 1880, le référendum est pratiquement mis hors la loi parce qu'il apparaît comme l'instrument de ratification des coups d'État et des dictatures césariennes, alors que à l'origine, il a toutes les apparences de la démocratie, mais évidemment d'une démocratie qui n'apparaît pas éclairée par la prise en compte, la conscience véritable des questions qui sont posées. Le président de la République, Jules Grévy, déclare de façon tout à fait explicite « Le plébiscite n'est qu'une fausse déférence pour la souveraineté nationale ». Et on voit au Parlement, à la Chambre des députés, on voit des débats, notamment à l'occasion de la petite réforme de la Constitution de 1884, on voit des débats très violents entre ce qui reste de partis bonapartistes, attachés à l'appel au peuple, et d'autre part les républicains, parfois un peu embarrassés. Vous n'aimez pas le peuple puisque vous ne voulez pas lui donner parole. Il y a eu des interventions de Clémenceau, par exemple, à ce moment-là, qui dit « nous ne sommes pas contre le peuple ». Mais il est légitime que la Chambre, dans l'intervalle des élections, concentre en elle-même toute la souveraineté populaire. C'est probablement ce que certains s'efforcent de remettre sur le devant de la scène en Angleterre. Dans ce moment assez étrange où certains viennent à dire que peut-être y a-t-il du regret du Brexit décidé par le peuple, qu'après tout ce n'est qu'une proposition du peuple à la Chambre des députés. C'est ça, qui doit être approuvé par la Chambre des communes. Qui pourrait éventuellement la refuser, donc voilà. Les résultats du plébiscite, ce qui paraît quand même assez extravagant. Oui, alors c'est évidemment un vieux débat. Apparemment, la raison existe dans les deux camps. Et il est certain que le plébiscite ou le référendum, cette démocratie directe, c'est une réponse à une question posée par le pouvoir à un moment donné. Et la réponse qui est donnée par le peuple est une réponse de confiance ou de méfiance envers celui qui l'a posée. On le sent très bien avec les propos de Boulanger lorsqu'il aspire à une forme de rétablissement de pouvoir autoritaire jusqu'à une dictature possible, lorsque dans un discours programme de juin 1888, il parle de la nécessité de faire appel directement au peuple à de référendum. Voilà. Et d'ailleurs, la pratique du général Boulanger est une pratique de type plébiscitaire, puisque à défaut de pouvoir consulter le peuple tout entier, puisqu'il n'a pas le pouvoir, il se présente à chaque élection partielle pour se faire élire, et par conséquent, il conduit au fond une action qui est très exactement plébiscitaire, mais par petits morceaux, ce qui interdit le résultat immédiat, ce qui va permettre aux républicains de réagir. On peut dire que jusque dans les années 1930, la Troisième République rejette toute cette idée de référendum, et ce n'est que après la Première Guerre mondiale et compte tenu des difficultés de l'entre-deux-guerres que l'on verra des critiques du système de représentation parlementaire qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des appels au référendum. Il est vrai que Tardieu, par exemple, va expliquer dans différents livres que la profession parlementaire... Le souverain captif, dit-il voilà, à propos du peuple, le souverain, titre d'un de ses livres. Le souverain est captif, du Parlement, qui, en quelque sorte, usurpe ses pouvoirs. Donc, on voit une tendance, à partir des années 30, à remettre en question le caractère, au fond, sain de la démocratie parlementaire, et une tendance timide, tant elle est éloignée des principes républicains, vers un retour au peuple qui puisse à la fois assurer l'efficacité du gouvernement et le maintien de la démocratie. Je cite André Tardieu, un ancien collaborateur de Clémenceau qui a été président du Conseil et qui s'est retiré de la vie politique pour faire ses propositions constitutionnelles. Il écrit « Le référendum pourrait remédier à deux de nos maux, le dessaisissement de l'exécutif et le dessaisissement du peuple au profit d'une aristocratie parlementaire, elle-même asservie à des oligarchies d'intérêts particuliers. » On retrouve ce que disait Hamilton dans la citation de tout à l'heure. « Convier le peuple par le référendum à voter d'un seul tenant sur une question simple, c'est une problématique évidemment essentielle, complication ou simplicité du texte, à quoi elle répondra oui ou non. La machine oppressive dira d'abord, la machine oppressive, c'est-à-dire les élites, dira d'abord « Vous nous ramenez au plébiscite de l'Empire. » Ce n'est pas vrai. Le référendum est une part que l'on fait dans le régime représentatif au gouvernement direct. Le plébiscite est au contraire un moyen de représentation par lequel le peuple délègue à un homme souveraineté et pouvoir constituant. Cette opposition devient fondamentale. Absolument. Référendum versus plébiscite. Mais on ne s'en aperçoit que plus tard. Sur le moment, la parole de Tardieu tombe dans le désert et n'a quasiment aucune conséquence, sauf celle de montrer la fragilité du régime de la Troisième République et la critique, au fond, très largement répandue du régime parlementaire dans ces années-là, qui évidemment restaure par un jeu de vases communicants, en quelque sorte, la validité de la consultation directe du peuple. D'ailleurs, André Tardieu sera beaucoup lu par Michel Debré et par les auteurs de la Constitution de 1958. Sous la Troisième République, existe cependant, ou s'efforce d'exister, des référendums municipaux qui annoncent celui de la Loire-Atlantique sur Notre-Dame-des-Landes. Y a-t-il là, Serge Berstein, une continuité ? Oui, je pense qu'il y a continuité, puisque, d'une certaine manière, cette pratique qui est répandue, par exemple, dans un pays comme la Suisse, qui est plus rare en France, qui n'a pas de valeur légale, hein, jusqu'à une date relativement récente, puisque je crois que c'est en 2008, me semble-t-il, à vérifier, que la révision constitutionnelle autorise cette fois légalement le référendum local. Il y a eu le référendum sur la Corse et le référendum sur l'organisation de l'Alsace, tous les deux ont été rejetés, puisque l'un et l'autre, qui en fonction de cette révision constitutionnelle, visaient à modifier les structures de certains départements et de certaines régions françaises. L'un et l'autre ont d'ailleurs été rejetés par le peuple, par référendum. Et puis, le référendum sur Notre-Dame-des-Landes qui vient d'avoir lieu, me semble-t-il, est le troisième qui applique cette réforme constitutionnelle établie en 2008 et qui, cette fois, a donné un résultat positif. Reste à savoir, mais ça, c'est les joies, n'est-ce pas, de l'histoire qui permettent de contrôler si ce qui est prévu se réalise véritablement, si l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes va véritablement être construit, puisque c'est l'une des questions qui se posent aujourd'hui. Là, on rejoint les référendums sur des questions très précises et très simples. C'est un système que connaît, vous le disiez, la Suisse. Oui. Par exemple, en Suède, poser la question « Est-ce que vous voulez qu'on continue à conduire à gauche ou à droite ?» Tout le monde peut aisément comprendre la question et répondre de façon simple, sans que, évidemment, la réponse soit attachée à la personnalité spécifique d'un dirigeant. Ah non. Non. Oh non. Non, non, non, non, non, non, non. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jamier. Ah oui. Oui. Alors venons-en maintenant, Serge Berstein, à la résurgence du référendum en France après 75 ans. Il avait été enseveli par les souvenirs du Second Empire. Napoléon le Petit, il ressurgit en 1945. Il aurait pu ressurgir auparavant, puisque les pleins pouvoirs donnés à Pétain le 10 juillet 1940 prévoyaient qu'il rédigeât une constitution qui serait ensuite ratifiée par la nation. Rien n'est arrivé de tel. Donc c'est en 1945 que le général de Gaulle restaure le principe du référendum. C'est le fameux référendum de 1945, d'octobre 1945, où le peuple est appelé à répondre à deux questions. Oui, oui, oui, non, non, oui. Alors, le général de Gaulle, dès l'époque de la guerre, s'est montré disposé assez rapidement à rétablir en France la République, mais pas la Troisième République. Il était évident pour lui qu'il s'agissait d'un régime dont il considérait qu'il était abusivement parlementaire, et par conséquent, il souhaitait une République où les pouvoirs soient plus séparés, c'est-à-dire où le pouvoir exécutif retrouverait une prépondérance qu'il avait perdue sous la Troisième République. Lorsque la France est libérée, le général de Gaulle pose en effet aux Français des questions, mais des questions qui, d'une certaine manière, encadrent les futurs pouvoirs d'une assemblée constituante. Rappelez-nous les deux questions. Dont il espère qu'elle sera élue. Alors la première question consiste au fond pour le général de Gaulle à demander aux Français, est-ce que vous voulez que nous créions une nouvelle république ou que nous gardions la Troisième République? Et la réponse est oui. Nous voulons une nouvelle République. Une écrasante majorité. Et une écrasante majorité, 96, je crois, % des voix. Donc, une République nouvelle, comme il le souhaitait. Deuxième question. Et puis, la deuxième question, elle est intéressante, c'est, dans ce cas, l'Assemblée que vous êtes en train d'élire, puisque ça se passe le jour même du référendum, sera constituante. Et cette Assemblée constituante, il s'agit de l'encadrer pour le général de Gaulle et non pas de la laisser libre de faire ce qu'elle veut. Donc sa durée est limitée à 7 mois, ses pouvoirs sont relativement limités. Et il est prévu qu'elle pourrait à la rigueur renverser le gouvernement, mais à la majorité absolue de ses membres, qui voterait à ce moment-là une motion de censure. Autrement dit, une assemblée, certes chargée de faire la Constitution, mais limitée dans ses pouvoirs. Et il est clair que ce que le général de Gaulle propose pour cette assemblée constituante nécessairement provisoire, c'est aussi le système qu'il imagine pour la nouvelle République qu'il espère créer. Et puis il l'encadre encore d'une autre manière, puisque une fois cette constitution votée, il est prévu dans cette deuxième question du référendum qu'elle sera soumise au peuple par référendum. Donc un référendum en amont, un référendum en aval, et le général de Gaulle pense de ce fait que les choses vont se dérouler comme il l'entend et qu'il pourra imposer ses vues constitutionnelles. Mais le oui à la deuxième question est évidemment moindre que pour alors, la première. Alors il y a 66% je crois de oui à la deuxième question, les deux tiers des Français, et non pas plus des 9 dixièmes, parce que le Parti communiste et le Parti socialiste SFIO, partisans d'un régime parlementaire marqué par la prépondérance de l'Assemblée nationale, demandent un oui à la première question et un non à la seconde. La seconde l'emporte néanmoins, mais il est vrai que, comme les élections qui ont eu lieu en même temps donnent une majorité absolue aux communistes et aux socialistes, les choses sont assez mal engagées et le général de Gaulle va se heurter très vite à la volonté des élus du suffrage universel de jouer seul le jeu de la réforme constitutionnelle, puisque le général de Gaulle se verra refuser d'intervenir devant la commission de constitution au motif qu'il n'est pas député et que par conséquent il n'a pas à donner son point de vue sur la chose. Donc le général de Gaulle comprend assez vite que il ne pourra jouer aucun rôle dans la nouvelle constitution et il préfère démissionner en janvier 1946. Et d'ailleurs, la première constitution est rejetée par un référendum, nouveau référendum, en mai 1946, et c'est seulement la seconde constitution qui est adoptée, celle qu'on connaîtra comme étant le texte régissant la 4e République, qui est adoptée le 14 octobre 1946. Mais à ce moment-là, de Gaulle est déjà hors du pouvoir, il a expliqué ses vues dans un discours fameux à Bayeux, où il ne parle pas d'ailleurs de la question du référendum, mais en revanche, il rattrape cela un peu plus tard dans son discours d'Épinal. Et il va passer la 4e République à combattre une constitution dont il estime qu'elle crée un régime d'impuissance. Et il explique dans le discours de Bayeux, juin 1946, la constitution idéale selon lui. Au cœur de ce système, au cœur de ce système, il y a la possibilité pour le président de la République de consulter directement le peuple par référendum, c'est-à-dire de faire du référendum une des armes dont dispose le pouvoir exécutif pour introduire des réformes, pour modifier la loi et éventuellement pour contrebalancer le pouvoir de l'Assemblée nationale. Et en même temps, très clairement, en chaque occurrence, pour ajouter à la demande d'approuver un texte, une demande d'expression d'un soutien explicite au chef de l'État. C'est clair. Tout à fait. Dès le référendum fondateur de septembre 1958, qui approuve le texte constitutionnel, c'est évident aussi avec les deux référendums successifs qui lui permettent d'avancer dans l'affaire algérienne, en janvier 61, en avril 62, et c'est éclatant dans le cas du référendum sur l'élection du président au suffrage universel. Écoutez-le d'ailleurs à ce propos, c'est son allocution radiodiffusée et télévisée du 4 octobre 1962, c'est-à-dire quelques jours avant la consultation du peuple sur l'immense question que nous savons et qui a eu tant d'importance jusqu'aujourd'hui. Française, Français, le projet que je vous soumets propose que le président de la République, votre président, soit élu dorénavant par vous-même. Rien n'est plus républicain, rien n'est plus démocratique, j'ajoute que rien n'est plus français, tant cela est clair, simple et droit. Une fois de plus, le peuple français va donc faire usage du référendum, ce droit souverain qui, à mon initiative, lui fut reconnu en 1945, qu'il a de même recouvré en 1958 et qui depuis lors a permis à la République de se donner des institutions valables et de trancher au fond le problème algérien, qui était très grave, vous le savez. Une fois de plus, le résultat sera la décision de la nation sur un sujet essentiel. Quant à moi, chaque oui de chacune de celles, de chacun de ceux qui me l'aura donné, me sera la preuve directe de sa confiance et de son encouragement. Or, croyez-moi, j'en ai besoin pour ce que je puis faire encore, comme hier j'en avais besoin pour ce que j'ai déjà fait. Ce sont donc vos réponses qui me diront le 28 octobre si je peux et si je dois poursuivre ma tâche au service de la France. Vive la République! Vive la France! J'observe en passant, Serge Bernstein, que de Gaulle dit « rien n'est plus clair et rien n'est plus français ». C'est une allusion peut-être implicite, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait observé, au mot fameux de Rivarol à la fin du XVIIIe siècle qui disait « ce qui n'est pas clair n'est pas français ». Probablement. C'est pas un peu arrogant, mais qu'on voit ressurgir implicitement dans ce propos. Mais pour l'essentiel, il s'agit d'autre chose. Ce discours est assez remarquable dans la mesure où il montre bien ce qu'est le référendum pour le général de Gaulle. Il faut rappeler d'abord que dans la Constitution de 1958, pour la première fois dans l'histoire de la République française, la Constitution prévoit explicitement le référendum, puisque l'article 3 déclare « la souveraineté nationale appartient au peuple » qu'il l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc c'est effectivement le général de Gaulle qui a rétabli légalement le référendum dans une constitution française. Et en même temps, dans l'extrait que nous venons d'entendre, il montre très bien le double aspect des choses. D'une part, une question posée qui approuve au fond ce que souhaite le gouvernement, mais d'autre part, une confiance donnée à l'homme qui pose la question et dont il considère qu'elle est indispensable pour lui à la poursuite du pouvoir. Donc il y a une sorte de ressourcement d'un pouvoir qui lui a certes été donné par l'élection, son élection à la présidence de la République, mais qui est, au fond, périodiquement renouvelé par des référendums qui répondent à des questions essentielles, comme celle qu'il a évoquée, par exemple, concernant l'autodétermination en Algérie, concernant l'indépendance de l'Algérie à travers l'approbation, le référendum sur l'approbation des accords d'Évian, et qui va jalonner ainsi la suite de la politique du général de Gaulle, avec à chaque fois l'idée sous-jacente que si le peuple approuve, il continue sa tâche. Si le peuple désapprouve, il considère que le contrat tacite passé entre lui et la nation depuis, pour lui, 1940, enfin, ça c'est discutable historiquement, sera rompu à ce moment-là, qu'il donnera sa démission, ce qui va effectivement se produire. Donc, indissolublement, on mêle l'approbation du texte et le soutien explicite. C'est pourquoi d'ailleurs en 1969 il s'en ira lorsque son texte sur la réforme du Sénat et sur la décentralisation sera refusé. Observons qu'en 2005, au moment du référendum sur le traité constitutionnel qui est rejeté en France, le président de la République Jacques Chirac, qui l'a soutenu ardemment, ne considère pas qu'il doit partir. Alors que David Cameron, tout récemment, a marqué que puisque le référendum britannique sur le Brexit avait tourné d'une façon qui n'était pas conforme à ce qu'il souhaitait, eh bien, il allait s'en aller. Ce qui est contradictoire, d'ailleurs, avec ce qu'il avait dit auparavant, puisqu'il a déclaré qu'éventuellement, un vote en faveur du Brexit n'entraînerait pas sa démission. Il faut dire qu'il avait dit qu'il n'aimait pas Bruxelles et qu'il préférait le Royaume-Uni. Et qu'il préférait l'Angleterre. Dans le cas du général de Gaulle en 1962, évidemment, il y a de violentes critiques du côté de ceux qu'il appelle les partis et notamment de la gauche et d'une partie de la droite contre ce retour de ce qui est jugé comme un plébiscite, d'autant plus qu'il y a une incertitude constitutionnelle sur la légitimité de consulter le peuple directement. On est là au cœur d'une question très importante, puisque l'article 89 de la Constitution de 1958 prévoit que le principe général serait qu'on ferait adopter par les deux chambres de façon semblable un texte et qu'ensuite on pourrait soumis à référendum. Soit passer par le Congrès à Versailles, la réunion des deux chambres, soit le soumettre au référendum. Or, De Gaulle s'appuie sur un autre texte, sur un autre article de la Constitution, l'article 11, d'où des controverses passionnées entre les juristes que vous pouvez peut-être, Serge Bernstein, nous expliquer. Le problème, c'est qu'évidemment, l'article 11 de la Constitution prévoit que tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics peut être soumis directement à référendum. Et l'article 89, qui lui fait partie d'un titre de la Constitution qui s'appelle « De la révision constitutionnelle », prévoit explicitement que la révision constitutionnelle doit être opérée par un vote des deux chambres dans les mêmes termes et ensuite peut-être, comme vous le disiez, soit soumis à référendum, soit soumis à aux deux chambres réunies à Versailles en même temps. Donc il y a eu là-dessus un débat important que le général de Gaulle a tranché d'ailleurs d'une façon abrupte en déclarant qu'il était vraiment surpris de la volonté des partis de refuser au peuple un droit qui lui appartient évidemment et que par ailleurs il était encore étonné qu'on veuille lui expliquer ce qu'il y avait dans une constitution dont il était lui-même le principal rédacteur. Le dernier argument peut paraître un peu étrange. C'est un argument d'autorité qui est évidemment discutable. Évidemment, les débats ont tourné autour de l'expression organisation des pouvoirs publics, et autour du fait, Pompidou y a insisté, que si on refusait que l'article 11 serve pour cela, alors il ne servirait pas à grand-chose, y compris pour d'autres. Absolument. Et qu'à ce moment-là, il était absurde d'avoir un article qui ne servirait à rien. La majorité des juristes a évidemment critiqué la formulation contre une minorité, mais la plupart des juristes, une fois que le référendum a été accepté, a considéré que ce précédent valait en fait pour permettre semblablement dans la suite... Ce qui est d'ailleurs un élément intéressant pour l'institutionnalisation même du principe du référendum, puisqu'au total, un référendum qui obtient un résultat très clairement positif apparaît comme étant désormais la volonté du peuple qui l'a approuvé. Et par conséquent, ça passe au-dessus même des règles juridiques, puisque le principe essentiel est celui de la souveraineté nationale. La nation s'étant prononcée, il n'y a plus rien à dire. C'est dans cette ligne et selon cette même logique que le général de Gaulle quitte le pouvoir après le référendum du 27 avril 1969. Il l'avait d'ailleurs annoncé. Il est intéressant de comparer évidemment la manière dont de Gaulle a conçu le référendum et la manière dont son successeur François Mitterrand, qui tout en le niant, ne cessait pas de comparer son destin à celui du général, il le niait tellement qu'il prouvait à quel point il en était préoccupé. Il a provoqué, au moment de la réforme de Maastricht, il a provoqué un référendum et il explique pourquoi il a pris ce risque. Il s'exprime le 6 juin 1992. J'ai choisi, comme vous le savez, le référendum. C'est plus risqué. C'est vrai. Et je le sais. C'est risqué pour l'Europe. C'est risqué pour le gouvernement et la majorité. C'est risqué pour le président de la République. Il faut donc engager un combat démocratique. Et ce débat n'aurait pas eu lieu autrement. Les députés et les sénateurs auraient continué de discuter, personne ne s'y serait intéressé. Or, il faut que dans chaque village, que dans chaque commune, que dans chaque quartier, dans chaque rue, il y ait une formidable explication, puisqu'il s'agit et de la France et de l'Europe, et que chacun, ou le plus grand nombre de Français, sache ce qu'ils font lorsqu'ils déposeront leur bulletin dans l'urne. À ce moment-là, le sort particulier d'un gouvernement, d'un président de la République, le sort des uns des autres ne comptera pas auprès de l'importance de l'enjeu. Alors, mutation ou permanence par rapport à De Gaulle ? Non, je crois qu'il y a mutation. Je crois qu'il y a mutation puisque, certes, le sort de celui qui pose la question peut être lié au résultat du référendum. Mais par exemple, il est très clair que lors du référendum de 2005 sous la présidence de Jacques Chirac, qui prévoyait le vote d'une constitution européenne, le peuple français a répondu non. Jacques Chirac n'a pas considéré que ce désaveu, alors qu'il avait appuyé évidemment la réponse oui, entraînait un désaveu de ses fonctions présidentielles et la nécessité pour lui de démissionner. Et on peut admettre qu'un certain nombre de questions apparaissent ainsi comme des questions posées au peuple à laquelle il peut répondre par oui ou par non sans que celui qui pose la question en soit nécessairement responsable et par conséquent obligé de démissionner si la réponse est négative. En même temps, François Mitterrand a jeté tout le poids de son autorité dans ce référendum. Oui, il a été appuyé à l'époque, il faut bien le dire, par une partie de la droite, conduite précisément par son chef Jacques Chirac, alors que des oppositions très violentes au sein même de la droite française Philippe Séguin, par s'étaient exemple. Manifestées, celle de Philippe Séguin par exemple, celle de Charles Pasqua, qui ont fait violemment campagne pour le non au référendum sur Maastricht, et que de ce point de vue, les deux principaux responsables français, on peut dire le président de la République et Jacques Chirac, chef de l'opposition, ont fait front commun pour que le référendum passe très juste. Mais il faut voir que dès ce moment-là, un certain nombre d'hommes politiques votent pour le non moins par europhobie, comme on dit maintenant, que pour profiter en quelque sorte d'un désaveu de l'Europe qu'ils sentent dans l'opinion et jouer un jeu de politique intérieure. De ce point de vue, ce qui vient de se passer avec le Brexit en Angleterre montre que dans la mesure où la question qui est posée est fondamentale pour la nation, en l'occurrence il s'agissait là d'un départ du Royaume-Uni de l'Union européenne à laquelle, depuis plus de 40 ans, dont elle faisait partie, certes avec de très nombreuses dérogations par rapport aux autres États, mais qui incontestablement lui a apporté énormément. Et de ce point de vue, la manière dont les choses ont été engagées et les difficultés du Premier ministre anglais lui-même qui soutient le maintien dans l'Europe après avoir très largement dénigré l'Europe conduisent évidemment une population assez désorientée à considérer qu'après tout, la tradition nationale britannique qui est celle du splendide isolement dans l'île et dans la volonté d'avoir une Europe continentale où il n'y ait aucune puissance dominante qui puisse gêner la politique anglaise semble avoir joué dans une réponse négative que le Premier ministre, après coup, après avoir dit le contraire, a finalement analysé comme un désaveu de ce qu'il avait présenté, mais il est vrai, en termes tellement ampoulés et avec tellement de réserves que le peuple britannique a voté non. On vérifie bien, Serge Bersen, au terme de cette émission consacrée à l'histoire des plébiscites et des référendums, que malgré l'apparente simplicité du procédé, il se mêle toujours dans les motivations beaucoup de ressorts différents. Absolument. Et que c'est bien ce qui complique les choses et qui justifie par moments la méfiance d'un certain nombre de bons républicains à l'égard de ce processus et leur attachement à l'idée d'une délégation de pouvoir aux élus intermédiaires. C'est une interrogation, c'est une question, c'est une problématique qui ne cessera pas, je crois, de vivre dans l'avenir. Merci beaucoup. Samedi prochain, ce sera la première rediffusion de l'été. Actualité de Christophe avec Pascal Horry. Et j'espère vivement vous retrouver pour une nouvelle saison au début de septembre. C'était Concordance des temps, une émission hebdomadaire de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée comme chaque samedi par Patrick Molinier, mon complice de longue date, avec à la prise de son Anthony Thomasson, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Linda Simon. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.